À l'occasion du 5e anniversaire du décès du dirigeant Kim Jong-il, le comité congolais de souvenirs du dirigeant Kim Jong-il a publié le 5 un numéro spécial de bulletin. L'auteur a écrit que le dirigeant Kim Jong-il reste toujours vivant dans le cœur du peuple comme grand leader et qu'il a consacré toute sa vie pour le peuple.